إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد serviteurs d'Allah, hier encore, nous attendions impatiemment la venue de ce mois de Ramadan afin de pouvoir en profiter pour essayer de nous réformer et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà qu'aujourd'hui, nous en sommes déjà arrivés à la moitié. La première moitié du mois de Ramadan est passée. Certains en ont profité, ont multiplié les œuvres pieuses et font le maximum pour se réformer. Et la deuxième moitié ne sera pour eux qu'une occasion encore, et ils multiplieront durant cette deuxième moitié du mois encore plus les œuvres pieuses afin d'atteindre leur but qui est de profiter de ce mois. D'autres ont laissé la première quinzaine de ce mois passer, ils l'ont négligé. Ils ont tenté de s'améliorer les premiers jours, puis se sont rapidement lassés. Ils doivent savoir qu'il n'est pas trop tard pour se réformer. Il te reste encore 15 jours de ce mois pour multiplier les œuvres pieuses, pour parfaire ton jeûne, pour te repentir de tes péchés, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en multipliant les œuvres pieuses comme la prière, la lecture du Coran, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les œuvres de bienfaisance, les aumônes et autres parmi les œuvres qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jours qui passent à toute vitesse, ils nous rappellent que ce bas monde, ce n'est qu'une demeure temporaire et que nous ne sommes pas là pour y rester éternellement. Mais ce n'est qu'un lieu de passage. Et si l'homme l'utilise dans le bien et s'occupe dans ce bas monde par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce bas monde sera pour lui un champ de récolte pour l'au-delà. C'est-à-dire qu'il prend ses provisions ici-bas pour l'au-delà en multipliant les adorations, en multipliant les obéissances et en délaissant tous les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui s'occupe dans ce bas monde par le suivi de ses désirs, le suivi de ses passions, et qui donne à son âme tout ce qu'elle désire. Alors celui-ci, il perdra la vie présente, la vie d'ici-bas, ainsi que la vie de l'au-delà. Car la vie présente, elle n'est pas éternelle. Il ne va pas y rester éternellement. Quant à l'au-delà, il n'aura rien avancé pour celle-ci. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Khasira dunya wal akhirah » Il a perdu la vie présente et celle de l'au-delà, ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. Telle est la perte évidente. Telle est la perte évidente. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous compter parmi ces gens. Quant au premier, comme on l'a dit, il a occupé son temps dans ce bas monde par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce bas monde ne l'a pas préoccupé. Mais c'est lui qui l'a utilisé dans ce qui lui profite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là qui profite réellement de sa vie ici-bas et il profitera également de l'au-delà. Il profite de sa vie ici-bas car il s'occupe dans le bien, il s'occupe dans l'obéissance à Allah, il s'occupe dans l'adoration et il profitera dans sa vie de l'au-delà car il a avancé pour celle-ci des œuvres pieuses, des œuvres sincères pour Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans de nombreux versets dans le Coran de ne pas nous laisser tromper par cette vie. Il dit subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Et que la vie présente ne vous trompe pas. Il nous a interdit subhanahu wa ta'ala de nous faire tromper et de nous faire leurrer par ce bas monde. Car celui qui se fait leurrer par ce bas monde, alors il va perdre son temps dans celle-ci. Il va perdre sa vie ici-bas. Il va passer son temps dans les jeux, la distraction, les futilités, l'insouciance et le détournement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se peut que celui-ci ne soit pas seulement plongé dans l'insouciance et les futilités. Il se peut qu'il souffre de jour comme de nuit pour ce bas monde seulement, en essayant de réunir les biens de ce bas monde, en essayant de réunir ses richesses, en essayant d'augmenter le nombre de ses biens dans ce bas monde. Et il souffre pour cela, comme est la situation de nombre de mécréants à notre époque. Ils s'occupent, par les inventions, les productions, la réunion et le rassemblement, des biens de ce bas monde. Pourquoi ? Que vont-ils en tirer comme profit ? Quel sera le résultat ? Car tout ceci sera pour autre qu'eux. Ils se fatiguent et ils passent l'ensemble de leur temps pour une chose qu'ils ne vont pas garder éternellement, pour une chose qui n'est qu'éphémère, pour une chose dont ils ne vont profiter qu'un certain temps, puis qui sera perdu. Ceci ne veut pas dire que l'homme ne doit pas profiter des bienfaits de ce bas monde, mais il en profite afin que ceci l'aide à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ce bas monde pour ses serviteurs croyants. Il ne leur a pas interdit de profiter de ses bienfaits. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ » Dis, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِسَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dis, elles sont pour ceux qui ont cru dans cette vie, et elles leur sont réservées exclusivement à eux au jour de la résurrection. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Il vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre. خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ Il a créé pour vous ce qu'il y a sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc créé pour ses serviteurs les bonnes nourritures et les choses profitables de ce bas monde. Il ne nous les a pas interdites. Cependant, ceci ne veut pas dire que tu dois t'en préoccuper au point d'oublier l'au-delà. Mais ceci veut dire que tu dois profiter des biens de ce bas monde pour que ceci t'aide à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, celui qui utilise les biens de ce bas monde pour ses intérêts religieux et mondains, alors celui-ci est celui qui profite réellement de ce bas monde. Quant à celui dont le bas monde est son seul souci et sa seule préoccupation, alors il est comme ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ » Ils se réjouissent de la vie d'ici-bas, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. Ceci est donc la différence entre celui qui profite de ce bas monde et celui qui le perdra. Ce bas monde, il n'est pas blâmé et méprisé en lui-même, mais ce qui est blâmable et ce qui est condamnable, ce sont les actes des enfants d'Adam. Car c'est eux qui se préoccupent de ce bas monde au point d'oublier leur au-delà. Donc, ce qui peut être blâmable ou louable, ce sont les actes de l'homme. Quant au bien de ce bas monde en eux-mêmes, ils ne sont que des moyens que l'homme peut utiliser dans le bien ou dans le mal. Donc, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu souhaites utiliser ce bas monde et ta vie présente pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors simplement pour les réunir, puis les voir partir le jour de ta mort. Tu dois savoir que le paradis, tu l'obtiens par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant le tasbih, le tahlil et le takbir, en disant Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ceci sont les plantations des arbres du paradis. Ceci nous montre donc que ce bas monde, c'est un champ de récolte pour le delà. C'est-à-dire qu'ici tu plantes tes graines et tu en récolteras les bénéfices et les fruits au jour de la résurrection. Ce bas monde ne doit donc que te servir à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à préparer tes provisions pour l'au-delà. Il y a des gens qui ne profitent de ce bas monde en ne plantant dans celui-ci que des choses qui leur seront nuisibles dans l'au-delà. En effet, ils se servent de ce bas monde pour faire des péchés, pour s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour accomplir toutes sortes de désobéissances. Leur récolte, elle sera donc nuisible pour eux au jour de la résurrection. Et il y en a d'autres qui plantent dans ce bas monde des fruits profitables et des plantes bénéfiques. Alors ceux-là, ils en récolteront des fruits profitables et des plantes bénéfiques au jour de la résurrection. Ils profiteront de ce qu'ils ont planté dans ce bas monde comme bonnes œuvres et comme bonnes actions. Alors, ils en tireront profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et le malheureux, c'est celui dont ce bas monde se sert de lui, au point qu'il en devienne un servant. Et au final, ce bas monde, il le quittera, il mourira et il délaissera ce bas monde. Et il perdra alors tous ses biens qu'il a réunis. Il est donc obligatoire pour le musulman clairvoyant et doué de raison de méditer sur sa présence ici-bas. Il ne doit pas être comme le bétail qui ne sait pas ce qu'il fait, mais il doit réfléchir sur ses actions et se rappeler qu'il devra rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses moindres faits et gestes qu'il a accomplis ici-bas. Profite donc de ce bas monde pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne te laisse pas leurrer et ne te laisse pas tromper par cette vie d'ici-bas qui n'est que jouissance éphémère. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi que vous à la multiplication des œuvres pieuses durant cette deuxième moitié du mois de Ramadan et de ne pas nous laisser tromper par cette vie présente, par toute distraction et par toute futilité. Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à profiter de notre temps dans le bien et les bonnes actions. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.